Chapitre 25. La parole de Dieu me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Ammon et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Ammon : Écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Puisque tu dis : Ha ! Ha ! Sur mon sanctuaire, parce qu'il a été profané, et sur la terre d'Israël, parce qu'elle a été dévastée, et sur la maison de Juda, parce qu'ils sont allés en captivité. À cause de cela, voici que je vais te donner en possession aux fils de l'Orient. Ils établiront chez toi leur campement, et fixeront chez toi leur demeure. Ce sont eux qui mangeront tes fruits, eux qui boiront ton lait. Et je ferai de Rabat un pâturage de chameaux, et du pays des enfants d'Ammon un bercail de brebis, et vous saurez que je suis le Seigneur. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as battu des mains, et que tu as frappé du pied, et que tu t'es réjoui dans ton âme avec tout ton dédain au sujet de la terre d'Israël, à cause de cela, voici que je vais étendre ma main contre toi. Je te donnerai en butin aux nations. Je t'exterminerai d'entre les peuples, et je te retrancherai d'entre les pays. Je t'anéantirai, et tu sauras que je suis le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que Moab et Séir disent : Voici que la maison de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, voici que je vais ouvrir le flanc de Moab. Depuis les villes, depuis ses villes, depuis sa frontière, la gloire du pays, Beth-Jézimoth, Béel-Méon et Kariataïn. Je vais l'ouvrir aux fils de l'Orient, aussi bien que le pays des enfants d'Ammon, et je le leur donnerai en possession, afin qu'on ne se souvienne plus des enfants d'Ammon parmi les nations. J'exercerai des jugements en Moab, et ils sauront que je suis le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'Édom a exercé cruellement la vengeance contre la maison de Juda, et qu'il s'est rendu grandement coupable en se vengeant d'eux, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étendrai ma main contre Édom. Et j'exterminerai du milieu de lui hommes et bêtes. J'en ferai un désert depuis Théman, et jusqu'à Dédan ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils connaîtront ma vengeance. Oracle du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que les Philistins ont exercé la vengeance et qu'ils se sont cruellement vengés avec le dédain en leur âme pour tout exterminer dans leur haine éternelle, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'étendrai ma main contre les Philistins. J'exterminerai les Crétois et je détruirai le reste qui habite sur le rivage de la mer. J'exercerai sur eux de grandes vengeances, les châtiant avec fureur, et ils sauront que je suis le Seigneur, quand je ferai tomber sur eux ma vengeance. Chapitre 26. La 11e année, le premier du mois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit de Jérusalem, Ha! Ha! Elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi. Je vais me remplir. Elle est devenue un désert. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je viens contre toi, Tyr. Je vais faire monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr et abattront ses tours. Je balayerai loin d'elle sa poussière, et je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera, au milieu de la mer, un lieu où l'on étend les filets, Car moi j'ai parlé, oracle du Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations. Ces filles qui sont sur la terre ferme seront tuées par l'épée, et on saura que je suis le Seigneur. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je vais amener du septentrion contre Tyr, Nabuchodonosor, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et une multitude de troupes et un peuple nombreux. Il tuera par l'épée tes filles sur la terre ferme. Il construira contre toi des murs, il élèvera contre toi des terrasses, et dressera contre toi la torture. Il dirigera contre tes murs le choc de ses béliers, et démolira tes tours avec ses crochets. Telle sera la multitude de ses chevaux que leur poussière te couvrira. Au bruit des cavaliers, des roues et des chars, tes murs trembleront, quand il entrera dans tes portes, comme on entre dans une ville forcée. Du sabot de ses chevaux, il foulera toutes les rues. Il tuera ton peuple par l'épée, et tes puissantes colonnes seront jetées par terre. Ils enlèveront tes richesses, pilleront tes marchandises, abattront tes murailles, renverseront tes beaux palais, et jetteront au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chansons, et le son de tes cithares ne se fera plus entendre. Je ferai de toi un rocher nu. Tu seras un lieu où l'on étend les filets. Tu ne seras plus rebâti. Car moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oracle du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle à Tyr le Seigneur l'Éternel. Au bruit de ta chute, quand tes blessés pousseront des gémissements, quand le carnage sévira au milieu de toi, les îles ne trembleront-elles pas? Et ils descendront de leur trône, tous les princes de la mer. Ils quitteront leurs manteaux et déposeront leurs vêtements brodés. Ils se vêtiront d'épouvante, ils s'asseoiront sur la terre. Ils trembleront à chaque moment et seront dans la stupeur à cause de toi. Et ils prononceront sur toi une complainte, et ils te diront « Comment as-tu péri, toi qui te dressais au sein des mers? Ô toi, ville célèbre, qui étais puissante sur la mer, toi et tes habitants, alors qu'ils inspiraient la terreur à tous les habitants de la mer. Maintenant les îles trembleront au jour de ta chute, et les îles qui sont dans la mer seront épouvantées de ta fin. » Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quand j'aurai fait de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont point d'habitants, quand j'aurai fait monter sur toi l'abîme, et que les grandes eaux t'auront couverte, je te ferai descendre avec ceux qui sont descendus dans la fosse, vers les peuples d'autrefois. Je te ferai habiter dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, avec ceux qui sont descendus dans la fosse, pour que tu ne sois plus habité. Et je mettrai un ornement sur la terre des vivants. Je ferai de toi un objet d'épouvante, et tu ne seras plus. On te cherchera, et on ne te trouvera plus jamais. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 27. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une lamentation et dis à Tyr. Ô toi qui es assise aux entrées de la mer, qui trafiquais avec les peuples vers des îles nombreuses, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ô Tyr, tu as dit, je suis parfaite en beauté. Ton domaine est au sein des mers. Ceux qui t'ont bâti ont rendu parfaite ta beauté. Ils ont construit en cyprès de Sanir toutes tes planches. Ils ont pris un cèdre du Liban pour t'en faire un mât. De chêne de Basan, ils ont fait tes rames. Ils ont fait tes bancs d'ivoire incrustés dans du buis provenant des îles de Kittim. Le fin lin d'Égypte, avec ses broderies, formait tes voiles. Il te servait de pavillon. L'hyacinthe et l'écarlate des îles d'Élisa formaient tes tentures. Les habitants de Sidon et d'Arvad te servaient de rameurs. Tes sages qui étaient chez toi, ô Tyr, étaient tes pilotes. Les anciens de Giblium et ses sages étaient chez toi, réparant tes fissures. Tous les vaisseaux de la mer et leurs marins étaient chez toi, pour échanger tes marchandises. Perses, Lydiens et Libyens étaient dans ton armée. C'étaient tes hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi le casque et le bouclier, et te donnaient de la splendeur. Les fils d'Arvad et ton armée étaient sur tes murailles tout autour, et des hommes vaillants étaient sur tes forteresses. Ils suspendaient leurs boucliers à tes murs tout autour. Ils te rendaient parfaite en beauté. Tarsis trafiquait avec toi pour ses richesses de toutes sortes. Argent, fer, étain et plomb, dont elle payait tes marchandises. Javan, Tubal et Mozok faisaient commerce avec toi. Avec des âmes d'hommes et des vases de cuivre, ils soldaient tes créances. Ceux de la maison de Togorma, avec des chevaux de trait, des chevaux de course et des mulets, payaient tes marchandises. Les fils de Dédan faisaient commerce avec toi. Le trafic d'îles nombreuses était dans ta main. Elles te donnaient en paiement des cornes d'ivoire et de l'ébène. Aram trafiquait avec toi pour la multitude de tes produits. Avec des escarboucles, de la pourpre, des broderies, du fin lin, du corail et des rubis, ils soldaient tes créances. Juda et le pays d'Israël faisaient commerce avec toi pour le froment de Minite, les parfums, le miel, l'huile et le baume. Damas trafiquait avec toi pour la multitude de tes produits, pour la multitude de tes biens, qu'elle échangeait avec du vin de Helbon et de la laine de Tsachar. Vedan et Javan de Uzal, avec du fer fabriqué, payaient tes marchandises. La casse et le roseau odorant soldaient ta créance. Dédan faisait commerce avec toi pour des housses servant à monter à cheval. L'Arabie et tous les princes de Sédar trafiquaient avec toi. Pour des moutons, des béliers et des boucs, ils trafiquaient avec toi. Les commerçants de Saba et de Réhéma faisaient commerce avec toi, avec tous les meilleurs aromates, avec toute espèce de pierres précieuses et avec de l'or, ils payaient tes marchandises. Haran, Chéné et Éden, les commerçants de Saba, Assur et Chelmad, faisaient commerce avec toi. Ils faisaient avec toi commerce d'objets de luxe, manteaux de pourpre violette et de brocart, coffres à vêtements, cordes tressées et fortes, planches de cèdre pour tes expéditions. Les vaisseaux de Tarsis étaient tes caravanes pour transporter tes marchandises. Tu es devenue tout à fait opulente et glorieuse au sein des mers. Mais sur les grandes eaux où te conduisaient ceux qui maniaient tes rames, le vent d'Orient t'a brisé au sein des mers. Tes richesses, ton trafic, tes marchandises, tes marins et tes pilotes, tes raboubeurs, les courtiers de ton commerce, tous tes hommes de guerre qui sont chez toi, avec toute la multitude qui est au milieu de toi, tomberont au sein des mers au jour de ta chute. Au bruit du cri de tes pilotes, les plages trembleront, et ils descendront de leurs navires, tous ceux qui manient une rame, les marins, tous les pilotes de la mer, et ils se tiendront sur terre. Ils élèveront la voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. Pour toi, ils se raseront la tête, ils se revêtiront de sacs. Et, dans l'amertume de leur âme, ils verseront sur toi des larmes, des pleurs amers. Dans leur douleur, ils prononceront sur toi une lamentation. Ils se lamenteront sur toi en disant « qui est comme Tyr, comme celle qui est devenue muette au milieu de la mer. Quand tes marchandises sortaient des mers, tu rassasiais des peuples nombreux. Par l'abondance de tes richesses et de ton trafic, tu enrichissais les rois de la terre. Maintenant que tu as été brisé par les mers et jeté au fond des eaux, tes marchandises et toute ta multitude ont sombré avec toi. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante, leurs visages sont bouleversés. Les commerçants des peuples sifflent sur toi. Tu es devenu un sujet d'effroi, et pour jamais tu n'es plus. Chapitre 28. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit « Je suis un dieu, je siège sur un trône de dieu au milieu des mers », alors que tu es un homme et non pas un dieu, quoique tu rendes ton cœur pareil au cœur d'un dieu. Voici que tu es plus sage que Daniel, rien de secret ne t'est caché. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis de la richesse. Et tu as entassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse, par ton commerce, tu as accru ta richesse, et, dans ta richesse, ton cœur s'est élevé. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as rendu ton cœur pareil au cœur d'un dieu, à cause de cela, voici que je vais faire venir contre toi des étrangers, féroces entre tous les peuples. Ils tireront l'épée contre les chefs-d'œuvre de ta sagesse, et ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras de la mort de ceux qui sont tués au sein des mers. Diras-tu encore, « Je suis un dieu, en présence de ton meurtrier ». Quand tu es un homme et non pas un dieu, dans la main de celui qui t'égorge. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi j'ai parlé, oracle du Seigneur l'Éternel. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prononce une lamentation sur le roi de Tyr et dis-lui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, dans un jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses, sardoine, topaze et diamant, chrysolite, onyx et jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et or. Tu avais à ton service des tambourins et des fifres, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais le chérubin oint pour protéger. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité se trouvât en toi. En multipliant ton trafic, ton intérieur s'est rempli de violence, et tu as péché, et je t'ai banni de la montagne de Dieu, et je t'ai fait périr, ô chérubin protecteur, au milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as perverti ta sagesse par l'effet de ta splendeur. Je t'ai précipité par terre, je t'ai donné en spectacle au roi. À force d'iniquité, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Et j'ai fait sortir un feu du milieu de toi. C'est lui qui t'a dévoré. Et je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te voyaient. Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es devenu un objet d'épouvante, et pour jamais tu n'es plus. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon, prophétise sur elle, et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je viens à toi, Sidon. Je vais me glorifier au milieu de toi. On saura que je suis le Seigneur quand j'exercerai des jugements contre elle, et que je me sanctifierai en elle. J'enverrai contre elle la peste, et il y aura du sang dans ses rues. Il tombera au milieu d'elle des victimes de l'épée qui la frappera de toutes parts, et l'on saura que je suis le Seigneur. Alors il n'y aura plus pour la maison d'Israël d'épines malfaisantes ou de ronces douloureuses, parmi tous ses voisins qui la méprisent, et l'on saura que je suis le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples parmi lesquels elle est dispersée, je me sanctifierai en eux aux yeux des nations, et ils habiteront sur leur terre que j'ai donnée à mon serviteur, à Jacob. Ils y habiteront en sûreté. Ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils l'habiteront en sûreté, quand j'aurai exercé des jugements sur tous leurs voisins qui les méprisent. Et l'on saura que je suis le Seigneur, leur Dieu. Chapitre 29. La dixième année, au dixième mois, le 12 du mois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face contre Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise sur lui et sur l'Égypte tout entière. Parle et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je viens à toi, Pharaon, roi d'Égypte, toi le grand crocodile, couché au milieu de tes fleuves, qui a dit « Mon fleuve est à moi, et c'est moi qui me le suis fait. Je mettrai des crochets dans tes mâchoires, et je ferai s'attacher à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te ferai monter du milieu de tes fleuves, toi et tous les poissons de tes fleuves, attachés à tes écailles. Et je te jetterai au désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé, ni ramassé. Je te donne en pâture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis le Seigneur. Parce qu'ils ont été un appui de roseau pour la maison d'Israël. Quand ils te prennent avec la main, tu casses, et tu leur déchires toute l'épaule. Et quand ils s'appuient sur toi, tu te brises, tu les fais se tenir sur leurs reins à tous. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je ferai venir sur toi l'épée, et j'exterminerai du milieu de toi hommes et bêtes. Et la terre d'Égypte deviendra une désolation et un désert, et l'on saura que je suis le Seigneur. Parce que Pharaon a dit, « Le fleuve est à moi, et c'est moi qui l'ai fait. À cause de cela, voici que je viens à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte des ruines désertes et désolées, de Migdol à Sienne, et jusqu'à la frontière de l'Éthiopie. Il n'y passera nul pied d'homme, et nul pied de bête n'y passera, et il sera inhabité pendant 40 ans. Je ferai du pays d'Égypte une désolation, au milieu des pays désolés, et ces villes, au milieu des villes ruinées, seront une désolation, durant 40 ans. Je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et je les disséminerai en divers pays. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens d'entre les peuples chez lesquels ils auront été dispersés. Je ferai revenir les captifs d'Égypte, et je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et ils y seront un humble royaume. L'Égypte sera humble entre les royaumes, et elle ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je réduirai leur nombre, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ils ne seront plus pour la maison d'Israël un objet de confiance. Ils lui rappelleront l'iniquité qu'elle commettait en se tournant vers eux. Et l'on saura que je suis le Seigneur l'Éternel. La 27e année, au premier mois, le premier du mois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, Nabuchodonosor, roi de Babylone, a fait faire à son armée un rude service contre Tyr. Toute tête est devenue chauve, toute épaule meurtrie, et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni pour lui, ni pour son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je donne à Nabuchodonosor, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il dépouillera ce qu'il y a à dépouiller. Il pillera son butin et prendra ses dépouilles, et ce sera un salaire pour son armée. Pour le prix du travail qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, parce qu'ils ont travaillé pour moi. Oracle du Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je ferai pousser une corne à la maison d'Israël, et je te donnerai d'ouvrir la bouche au milieu d'eux, et ils sauront que je suis le Seigneur. Chapitre 30. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prophétise et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Hurlez, ah, ce jour, car le jour est proche, le jour est proche pour le Seigneur. Jour de nuages, ce sera le temps des nations. Une épée viendra sur l'Égypte, et il y aura de l'angoisse en Éthiopie, lorsque les blessés à mort tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses, et qu'on renversera ses fondements. Éthiopiens, Libyens et Lydiens, étrangers de toutes sortes. Cheb et les fils du pays de l'Alliance tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle le Seigneur. Ils tomberont les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force sera abaissé. De Migdol à Sienne, on y tombera par l'épée. Oracle du Seigneur l'Éternel. Elle sera désolée au milieu des pays désolés, et ses villes seront ruinées au milieu des villes ruinées. Et l'on saura que je suis le Seigneur, quand je mettrai le feu à l'Égypte, et que tous ses auxiliaires seront brisés. En ce jour-là, des messagers s'en iront de ma part sur des barques, pour troubler l'Éthiopie dans sa sécurité. Et il y aura chez elle de l'angoisse, comme dans le jour de l'Égypte, car voici qu'il arrive. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser tout le bruit de l'Égypte par la main de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui, nation féroce entre toutes, seront amenés pour ravager le pays. Ils tireront leurs épées contre l'Égypte et rempliront de mort le pays. Je changerai les fleuves en lieux arides, je livrerai le pays aux mains d'hommes méchants, et je dévasterai le pays et tout ce qu'il contient, par la main des étrangers. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'exterminerai les infâmes idoles, et je ferai disparaître de Nof les faux dieux. Et il n'y aura plus de princes sortis du pays d'Égypte, et je répandrai la crainte dans le pays d'Égypte. Je désolerai Patros, je mettrai le feu à Tsoan, j'exercerai des jugements sur No. Je répandrai mon courroux sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu à l'Égypte, Sin se tordra de douleur, No sera forcé, et Nof se verra assailli en plein jour. Les jeunes hommes d'Aven et de Bubaste tomberont par l'épée, et elles-mêmes iront en captivité. À Taphnès le jour s'obscurcira, quand je briserai là le joug de l'Égypte, et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage la couvrira, et ses filles iront en captivité. J'exercerai des jugements sur l'Égypte, et l'on saura que je suis le Seigneur. La 11e année, au 1er mois, le 7 du mois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, le bras de Pharaon, roi d'Égypte, je l'ai brisé, et voici qu'on ne l'a point pensé, en employant des remèdes, en appliquant des bandes, pour le panser et le rendre assez fort pour manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je viens à Pharaon, roi d'Égypte. Je lui briserai les deux bras, celui qui est valide et celui qui est déjà brisé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je disperserai les Égyptiens parmi les nations et les disséminerai dans les pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main. Je briserai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme gémit un homme blessé à mort. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras de Pharaon tomberont. Et l'on saura que je suis le Seigneur quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte. Je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et je les disséminerai dans les pays, et l'on saura que je suis le Seigneur. Chapitre 31. La 11e année, au 3e mois, le 1er du mois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude. À qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voilà qu'Assur était un cèdre sur le Liban, à la belle ramure, à l'ombrage épais, à la taille élevée, et ayant sa cime dans les nues. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait grandir, en faisant couler ses fleuves autour du lieu où il était planté, et en envoyant ses ruisseaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa taille s'élevait plus haute que les arbres des champs. Ses branches avaient grandi, ses rameaux s'étaient allongés, grâce aux eaux abondantes du temps de sa croissance. Dans ses branches tous les oiseaux du ciel nichaient, sous ses rameaux mettaient bas tous les animaux des champs, et à son ombre étaient assises des nations nombreuses. Il était beau par sa grandeur, par la longueur de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres ne l'obscurcissaient pas dans le jardin de Dieu, les cyprès n'égalaient pas ses branches, et les platanes n'étaient pas comme ses rameaux. Aucun arbre dans le jardin de Dieu ne l'égalait en beauté. Je l'avais rendu beau par la multitude de ses rameaux. Tous les arbres d'Éden lui portaient envie, tous ceux qui sont dans le jardin de Dieu. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'il s'est élevé en hauteur, parce qu'il a porté sa cime jusque dans les nues, et que son cœur s'est enorgueilli de son élévation. Je l'ai livré aux mains du Dieu des nations, qui le traitera à sa guise. À cause de sa méchanceté, je l'ai chassé. Des étrangers l'ont coupé, nation féroce entre toutes, et laissez-la. Sur les montagnes et dans toutes les vallées, ses branches sont tombées. Ses rameaux brisés gisent dans tous les ravins du pays. Tous les peuples de la terre se sont éloignés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ses débris, tous les oiseaux du ciel viennent se poser. Et dans ses rameaux se sont retirés tous les animaux des champs, afin qu'aucun arbre planté sur les eaux ne s'élève en hauteur et ne porte sa cime jusque dans les nues, et qu'aucun de ceux qui s'abreuvent d'eau ne s'appuie sur lui-même dans son orgueil. car ils sont tous voués à la mort, aux profondeurs de la terre, mêlés aux enfants des hommes, à ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où il descendit au Shéol, j'ai fait mener le deuil. À cause de lui, j'ai voilé l'abîme. J'ai retenu le cours de ses fleuves, et les grandes eaux se sont arrêtées. À cause de lui, j'ai assombri le Liban, et à cause de lui, tous les arbres des champs ont langui. Au bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai fait descendre au Shéol avec ceux qui descendent dans la fosse. Ils se sont consolés dans les profondeurs de la terre, tous les arbres d'Éden, les plus beaux et les plus magnifiques du Liban, tous ceux que les eaux abreuvaient. Ceux-là aussi sont descendus avec lui au Shéol, vers les victimes de l'épée, qui étaient son bras et étaient assises à son ombre au milieu des nations. Ainsi, à qui ressembles-tu en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre, pour être couché au milieu d'incirconcis, avec ceux que l'épée a transpercés. Tel sera le sort de Pharaon et de toute sa multitude. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 32. La douzième année, au douzième mois, le premier du mois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prononce une lamentation sur Pharaon, roi d'Égypte, et dis-lui. Lion des nations, tu es anéanti. Tu étais comme le crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves, de tes pieds tu en remuais les eaux et tu troublais leurs canaux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sur toi mon filet au moyen d'une assemblée de peuples nombreux, et ils te tireront dehors avec mes raies. Je t'abandonnerai sur le sol, je te jetterai sur la face des champs, et je ferai se poser sur toi tous les oiseaux du ciel, et se rassasier de toi les bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes, et je remplirai de tes débris les vallées. J'arroserai le pays des flots de ton sang jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi. En t'éteignant, je voilerai les cieux, et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai de nuages le soleil, et la lune ne donnera plus sa lumière. Je vêtirai de deuil, à cause de toi, tous les astres qui brillent dans le ciel, et je répandrai des ténèbres sur ton pays. Oracle du Seigneur l'Éternel. Je troublerai le cœur de beaucoup de peuples, quand je ferai parvenir la nouvelle de ta ruine chez les nations, en des pays que tu ne connaissais point. Je frapperai de stupeur à ton sujet beaucoup de peuples. À cause de toi, leurs rois seront pris de frissons, quand j'agiterai mon glaive devant eux. Et ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie, au jour de ta ruine. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'épée du roi de Babylone viendra sur toi. Je ferai tomber ta multitude sous l'épée d'hommes vaillants, féroces entre tous les peuples. Ils abattront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera exterminée. Je ferai disparaître tout son bétail du bord des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus, et le sabot des bestiaux ne les troublera plus. Alors je ferai reposer ses eaux, et couler ses fleuves comme l'huile. Oracle du Seigneur l'Éternel, quand je réduirai la terre d'Égypte en solitude, et que le pays sera dépouillé de ce qu'il contient, quand je frapperai tous ceux qui y habitent, et ils sauront que je suis le Seigneur. Telle est la lamentation, et on la prononcera. Les filles des nations la prononceront. Elles la prononceront sur l'Égypte et toute sa multitude. Oracle du Seigneur l'Éternel. La 12e année, le 15 du mois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, gémis sur la multitude de l'Égypte. Fais-la descendre, elle et les filles des nations illustres, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui surpassais-tu en beauté? Descends, et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qu'a transpercé l'épée. L'épée est donnée, entraînez l'Égypte et toutes ses multitudes. Les plus puissants parmi les héros lui parleront, du milieu du Shéol, avec ses soutiens. Ils sont descendus et sont couchés, les incirconcis transpercés par l'épée. Là est Assur avec tout son peuple. Autour de lui sont ses sépulcres. Tous ont été transpercés. Tous sont tombés par l'épée. Ses sépulcres sont placés au plus profond de la fosse. Son peuple est rangé autour de son sépulcre. Tous ont été transpercés. Tous sont tombés par l'épée. Eux qui avaient répandu la terreur sur la terre des vivants. Là est Élam et toute sa multitude, autour de son sépulcre. Tous ont été transpercés, tous sont tombés par l'épée. Ces incirconcis qui sont descendus dans les profondeurs de la terre, eux qui avaient répandu la terreur sur la terre des vivants. Ils ont porté leur ignominie avec ceux qui sont descendus dans la fosse. Au milieu de ceux qui ont été transpercés, on prépare sa couche pour lui avec toute sa multitude. Autour de lui sont ses sépulcres. Tous sont des incirconcis. Tous ont été transpercés par l'épée. Car leur terreur s'était répandue sur la terre des vivants, et ils ont porté leur ignominie avec ceux qui sont descendus dans la fosse. On les a placés parmi les égorgés. Là sont Mozoc, Tubal et toute sa multitude. Autour de lui sont ses sépulcres. Tous sont incirconcis, tous ont été transpercés par l'épée, car ils avaient répandu la terreur sur la terre des vivants. Ils ne se coucheront point avec les vaillants, qui sont tombés d'entre les incirconcis, qui sont descendus au Shéol, avec leurs armes de guerre, et sous la tête desquels on a mis leur épée. Mais leurs iniquités sont sur leurs os, car ils étaient la terreur des vaillants sur la terre des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis, et tu seras couché avec ceux qui ont été transpercés par l'épée. Là est Édom, ses rois et tous ses princes, qui, malgré leur vaillance, ont été mis avec ceux qui ont été transpercés par l'épée. Eux aussi sont couchés avec les incirconcis et avec ceux qui sont descendus dans la fosse. Là sont les princes du septentrion, eux tous et tous les Sidoniens. Ils sont descendus avec les transpercés, malgré la terreur qu'ils inspiraient. Malgré leur vaillance, ils sont confondus. Ils sont couchés, ces incirconcis, avec ceux qui ont été transpercés par l'épée. Et ils portent leur ignominie avec ceux qui sont descendus dans la fosse. Pharaon les verra et se consolera au sujet de toute sa multitude. Pharaon est transpercé par l'épée avec toute son armée. Oracle du Seigneur l'Éternel. Car j'avais répandu sa terreur sur la terre des vivants, et le voilà couché au milieu des incirconcis. Avec ceux qui ont été transpercés par l'épée, lui, Pharaon, et toute sa multitude. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 33. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur. Quand je fais venir l'épée contre un pays, et que les habitants de ce pays, prenant quelqu'un du milieu d'eux, l'établissent comme sentinelle, et que cet homme, voyant l'épée venir contre le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée survienne et le surprenne, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Mais s'il s'est laissé avertir, il aura sauvé sa vie. Que si la sentinelle, voyant venir l'épée, ne sonne pas de la trompette, et qu'ainsi le peuple ne soit pas averti, et que l'épée survienne et surprenne l'un d'entre eux, cet homme sera surpris dans son iniquité. Mais je demanderai compte de son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Quand tu entendras de ma bouche une parole, tu les avertiras de ma part. Quand j'aurai dit aux méchants, « Méchant, tu mourras certainement. » Si tu ne parles pas pour avertir le méchant de quitter sa voie, celui-ci étant méchant, mourra dans son iniquité. Mais je te demanderai compte de son sang. Mais si tu avertis le méchant afin qu'il se détourne de sa voie, et qu'il ne se détourne pas de sa voie, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu auras sauvé ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël. Voici que vous parlez en ces termes. Nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple. La justice du juste ne le sauvera point au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera point pour sa méchanceté le jour où il se détournera de sa méchanceté. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice le jour où il péchera. Quand j'aurai dit au juste qu'il vivra certainement, si, se confiant dans sa justice, il fait le mal, on ne se rappellera plus toutes ses œuvres justes, et, à cause du mal qu'il aura fait, à cause de lui il mourra. Et quand j'aurai dit au méchant, « Tu mourras certainement », s'il se détourne de son péché et fait ce qui est juste et droit, si ce méchant rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans faire le mal, certainement il vivra, il ne mourra pas. On ne se rappellera plus tous ses péchés qu'il a commis. Il a fait ce qui est droit et juste, il vivra certainement. Les enfants de ton peuple ont dit, « La voie du Seigneur n'est pas droite. » C'est leur voie à eux qui n'est pas droite. Quand un juste se détourne de sa justice et fait le mal, il meurt à cause de cela. Et quand un méchant se détourne de sa méchanceté et fait ce qui est droit et juste, à cause de cela, il vit. Et vous dites, « La voie du Seigneur n'est pas droite. » Je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël. La 12e année de notre captivité, au 10e mois, le 5 du mois, un fugitif de Jérusalem arriva vers moi en disant, « La ville a été prise. » Or la main du Seigneur avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et elle avait ouvert ma bouche avant qu'il vînt vers moi le matin. Et ainsi ma bouche fut ouverte, et je ne fus plus muet. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines-là, sur la terre d'Israël, parlent en ces termes. Abraham était seul, et il a eu en partage le pays. Nous sommes nombreux, et la possession du pays nous a été donnée. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez la chair avec le sang, vous levez les yeux vers vos idoles infâmes, vous répandez le sang, et vous posséderiez le pays. Vous vous êtes appuyé sur votre épée, vous avez commis l'abomination. Vous avez déshonoré chacun la femme de votre prochain, et vous posséderiez le pays. Voici ce que tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont dans les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans la campagne, je les livrerai en nourriture aux bêtes féroces. Et ceux qui sont dans les lieux forts et dans les cavernes mourront de la peste. Je ferai du pays une solitude et un désert, et l'orgueil de sa force prendra fin. Et les montagnes du pays seront désolées, sans que personne y passe. Et l'on saura que je suis le Seigneur, quand j'aurai fait du pays une solitude et un désert, à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi le long des murs et aux portes des maisons. Ils se parlent entre eux, l'un à l'autre, en ces termes. Venez entendre quelle est la parole qui vient du Seigneur. Et ils viennent vers toi comme vient la foule. Mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles et ne les mettent point en pratique. Ils font ce qui est agréable à leur bouche. Leur cœur poursuit leur gain. Et voici que tu es pour eux un chanteur agréable, qui a une belle voix et joue bien de son instrument. Ils entendent tes paroles et ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici qu'elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Chapitre 34. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prophétise sur les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui n'ont fait que se paître eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent paître? Vous mangiez la graisse. Vous vous revêtiez de la laine. Vous tuiez ce qui était gras. Vous ne paissiez pas le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis débiles. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous avez dominé sur elles avec violence et cruauté. Et elles se sont dispersées, faute de pasteurs. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, et elles se sont dispersées. Mes brebis sont errantes sur toutes les montagnes, et sur toute colline élevée. Sur toute la face du pays, mes brebis ont été dispersées, et personne n'en a souci, et personne ne les recherche. C'est pourquoi, ô pasteur, écoutez la parole du Seigneur. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Parce que mes brebis ont été mises au pillage, et que mes brebis sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteurs, et que mes pasteurs ne prenaient pas souci de mes brebis, mais que ces pasteurs se paissaient eux-mêmes et ne paissaient pas mes brebis, à cause de cela, ô pasteur, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je viens aux pasteurs. Je redemanderai à leurs mains mes brebis, et je ne leur laisserai plus de troupeau à paître, et les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis à leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie à dévorer. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, je veux moi-même prendre souci de mes brebis, et je les passerai en revue. Comme un pasteur passe en revue son troupeau, au jour où il se trouve au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je passerai en revue mes brebis, et je les retirerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, en un jour de nuages et de ténèbres. Je les ferai sortir du milieu des peuples, et je les rassemblerai des divers pays. Je les ramènerai sur leur sol, et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans de bons pâturages, et leur bercail sera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles reposeront dans un bon bercail, et elles paîtront dans un gras pâturage, sur les montagnes d'Israël. Moi, je paîtrai mes brebis, moi, je les ferai reposer, oracle du Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais celle qui est grasse et celle qui est forte, je les détruirai. Je les paîtrai avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître un bon pâturage, que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâture, ou de boire des eaux limpides, que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis devraient paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, je vais juger entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté du flanc et de l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis débiles, jusqu'à ce que vous les eussiez chassées dehors, je sauverai mes brebis, et elles ne seront plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Je leur susciterai un seul pasteur, et il les fera paître. Mon serviteur David, c'est lui qui les paîtra. Et c'est lui qui sera pour elles un pasteur. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Je conclurai avec elles une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et ils habiteront en sécurité dans le désert, et ils dormiront dans les forêts. Je ferai d'eux et des environs de ma colline une bénédiction. Je ferai tomber la pluie en sa saison. Ce seront des pluies de bénédiction. Et l'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Ils seront en sécurité sur leur terre, et ils sauront que je suis le Seigneur, quand je briserai les barres de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Ils ne seront plus un butin pour les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, et ils habiteront en sécurité, sans que personne les effraie. Je ferai pousser pour eux une végétation de renom, ils ne seront plus enlevés par la famine dans le pays, et ils ne porteront plus l'opprobre des nations. Et ils sauront que moi, le Seigneur, leur Dieu, je suis avec eux. Et que eux, la maison d'Israël, ils sont mon peuple. Oracle du Seigneur l'Éternel. Et vous, mes brebis, troupeaux que je paie, vous êtes hommes. Et moi, je suis votre Dieu. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 35. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir et prophétise contre elle, et dis-lui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je viens à toi, montagne de Séir. Je vais étendre ma main sur toi et faire de toi une solitude et un désert. Je réduirai tes villes en ruines, tu seras une solitude, et tu sauras que je suis le Seigneur. Parce que tu as une haine éternelle et que tu as livré au glaive les enfants d'Israël, au temps de leur calamité, au temps de l'iniquité finale, à cause de cela, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Parce que tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Et je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert, et j'en retrancherai tout allant et venant. Je remplirai ces monts de ses blessés à mort. Sur tes collines, dans tes vallées et dans tous tes ravins, tomberont les hommes égorgés par l'épée. Je te réduirai en solitudes éternelles, et tes villes ne seront plus habitées. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Parce que tu as dit, les deux nations et les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession. Et le Seigneur était là. À cause de cela, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. J'agirai selon ta colère et selon ta jalousie que tu as montrée dans ta haine contre eux, et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Et tu sauras que moi, le Seigneur, j'ai entendu tous tes outrages que tu proférais contre les montagnes d'Israël en disant « Elles sont dévastées, elles nous sont données comme une proie à dévorer. Vous m'avez bravé par vos discours, et vous avez multiplié vos paroles contre moi. Moi, j'ai entendu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quand toute la terre se réjouira, je ferai de toi une solitude. Comme tu t'es réjoui au sujet de l'héritage de la maison d'Israël, parce qu'il était dévasté, je te ferai de même. Tu seras dévasté, montagne de Séir, ainsi que l'Idumée tout entière. Et l'on saura que je suis le Seigneur. » Chapitre 36. Et toi, fils de l'homme, prophétise aux montagnes d'Israël et dis. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit de vous, ha, ha, les hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. À cause de cela, prophétise et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Attendu qu'on vous a dévasté et foulé aux pieds de toutes parts, pour que vous fussiez une propriété pour ce qui reste des nations, et attendu que vous avez été l'objet des discours des langues méchantes et des malins propos des gens. À cause de cela, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallons, aux ruines désolées et aux villes abandonnées, qui ont été livrées au pillage et à la risée de ce qui reste des nations d'alentour. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, j'ai parlé contre ce qui reste des nations, et contre toute l'Idumée, qui se sont adjugés en possession mon pays, dans la joie de tout leur cœur, et dans le mépris de leur âme, pour le mettre au pillage. À cause de cela, prophétise touchant la terre d'Israël, et dis aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallons. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ai parlé dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous avez porté l'opprobre des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Moi, j'ai levé ma main. Les nations qui vous entourent porteront, elles aussi, leur opprobre. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de venir. Car voici que je viens à vous, et je tourne ma face vers vous. Et vous serez cultivés et ensemencés. Je multiplierai sur vous les hommes, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et les ruines seront rebâties. Je multiplierai sur vous hommes et bestiaux. Ils seront nombreux et se multiplieront. Je vous rendrai habités comme autrefois. Je vous ferai plus de bien que dans votre commencement. Et vous saurez que je suis le Seigneur. J'amènerai sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les priveras plus de leurs enfants. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'ils vous disent, « Tu as dévoré des hommes, et tu as privé ta nation de ses enfants. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, et tu ne priveras plus ta nation de ses enfants. » Oracle du Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations. Tu ne porteras plus l'opprobre des peuples, et tu ne feras plus broncher ta nation. Oracle du Seigneur l'Éternel. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient sur leur terre, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite était devant moi comme la souillure d'une femme. Et j'ai versé sur eux mon courroux, à cause du sang qu'ils ont versé sur le pays, et parce qu'ils l'ont souillé par leurs infâmes idoles. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été disséminés dans les pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Arrivés chez les nations où ils sont allés, ils ont déshonoré mon saint nom. Quand on disait d'eux, « C'est le peuple du Seigneur, c'est de son pays qu'ils sont sortis. » Et j'ai eu pitié de mon saint nom, que ceux de la maison d'Israël ont déshonoré parmi les nations chez lesquelles ils sont allés. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Ce n'est pas à cause de vous que je le fais, maison d'Israël. C'est pour mon saint nom que vous avez déshonoré, parmi les nations chez lesquelles vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui est déshonoré, parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez déshonoré. Et les nations sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Oracle du Seigneur l'Éternel. Quand je me sanctifierai en vous, à leurs yeux. Je vous tirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, et vous serez purs. De toutes vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit, et je ferai que vous suivrez mes ordonnances, que vous observerez mes lois et les pratiquerez. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures, j'appellerai le froment et le ferai abonder. Et je n'enverrai plus sur vous la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et le produit des champs, afin que vous ne portiez plus l'opprobre et la famine parmi les nations. Vous vous rappellerez vos voies mauvaises et vos œuvres qui n'étaient pas bonnes, et vous vous prendrez en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que je le fais. Oracle du Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je rendrai aux villes leurs habitants, et ce qui est en ruine sera rebâti. La terre dévastée sera cultivée, elle qui n'était que désolation aux yeux de tous les passants. On dira, cette terre, qui était dévastée, est devenue comme un jardin d'Éden. Et les villes ruinées, désolées et renversées, sont habités comme des places fortes. Et les nations qui seront restées autour de vous sauront que moi, le Seigneur, j'ai rebâti ce qui était renversé, planté ce qui était ravagé. Moi, le Seigneur, je dis et je fais. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Encore en ceci, je me laisserai chercher par la maison d'Israël, pour le faire en leur faveur. Je multiplierai les hommes comme des troupeaux, tels que les troupeaux de brebis saintes, tels que les troupeaux de Jérusalem dans ses solennités. Ainsi des troupeaux d'hommes rempliront les villes dévastées, et l'on saura que je suis le Seigneur. Chapitre 37. La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me fit sortir en esprit, et me plaça au milieu de la plaine, et elle était couverte d'ossements. Il me fit passer près d'eux, tout autour. Ils étaient en très grand nombre sur la face de la plaine, et voici qu'ils étaient tout à fait desséchés. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements revivront-ils ? » Je répondis, « Seigneur l'Éternel, vous le savez. » Il me dit, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur. Ossements desséchés, entendez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'Esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des muscles, je ferai croître sur vous de la chair, et j'étendrai sur vous de la peau. Je mettrai en vous l'Esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre, et comme je prophétisais, il y eut un son. Puis voici un bruit retentissant, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et je vis, et voici que des muscles et de la chair avaient cru au-dessus d'eux, et qu'une peau s'était étendue au-dessus d'eux, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Et il me dit, « Prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Viens des quatre vents, esprit, et souffle sur ces hommes tués, et qu'ils vivent. Et je prophétisais comme il me l'avait ordonné, et l'esprit entra en eux, et ils prirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Grande, très grande armée. Et il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est morte, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et que je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous donnerai du repos sur votre sol. Et vous saurez que moi, le Seigneur, je dis et j'exécute. Oracle du Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Et toi, fils de l'homme, prends un bois et écris dessus. À Judas et aux enfants d'Israël qui lui sont unis. Prends un autre bois et écris dessus. À Joseph. Ce sera le bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est unie. Rapproche-les l'un de l'autre pour n'avoir qu'un seul bois, et qu'il soit un dans ta main. Et quand les fils de ton peuple te parleront en ces termes, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifient pour toi ces choses? Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Éphraïm qui lui sont unies, et je les joindrai au bois de Juda, et j'en ferai un seul bois, et ils seront un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, à leurs yeux. Et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je vais prendre les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai sur leur sol. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Un seul roi règnera sur eux tous, ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus séparés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs infâmes idoles, par leurs abominations et par tous leurs crimes. Je les sauverai de toutes leurs rébellions par lesquelles ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et il y aura un seul pasteur pour eux tous. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes commandements et les mettront en pratique. Et ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et dans lequel ont habité leurs pères. Ils y habiteront, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à jamais. Et David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Et je conclurai avec eux une alliance de paix, ce sera une alliance éternelle avec eux. Et je les établirai et je les multiplierai, et j'érigerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Mon habitation sera au-dessus d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Chapitre 38. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince souverain de Mozok et de Tubal, et prophétise sur lui, et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je viens à toi, Gog, prince souverain de Mozok et de Tubal. Je t'emmènerai, je mettrai des crocs à tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous magnifiquement équipés, troupes nombreuses, avec le bouclier et l'écu, tous maniant l'épée. Perses, Éthiopiens et Libyens seront avec eux, tous avec le bouclier et le casque. Gomer et tous ses bataillons, la maison de Togorma, des confins du Septentrion, et tous ses bataillons, peuples nombreux, seront avec toi. Tiens-toi prêt, fais tes préparatifs, toi et toute la multitude qui s'est assemblée autour de toi, sois leur chef. Au bout de beaucoup de jours, tu seras visité. À la fin des années, tu viendras contre la nation soustraite à l'épée, rassemblée d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël, qui ont été longtemps désertes. La nation ramenée du milieu des peuples et qui habite tout entière en sécurité. Tu monteras, tu arriveras comme l'ouragan. Tu seras comme le nuage qui va couvrir la terre, toi et tous tes bataillons, et des peuples nombreux avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu concevras un mauvais dessein. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je viendrai vers ces gens tranquilles qui habitent en sécurité, qui ont tous des demeures sans murailles, qui n'ont ni verrou ni porte. Tu iras pour piller et faire du butin, pour porter ta main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, qui élève des troupeaux et acquiert des biens, et qui habite au centre de la terre. Saba, Dédan, les trafiquants de Tarsis et tous ces lionceaux te diront « Est-ce pour piller que tu viens? Est-ce pour faire du butin que tu as assemblé tes troupes? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre des troupeaux et des biens? Pour ravir de grandes dépouilles? » C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas, en ce jour-là, quand mon peuple habitera en sécurité, tu le sauras, et tu viendras de ton pays, des confins du septentrion, toi et des peuples nombreux avec toi, tous montés sur des chevaux, grandes troupes et puissantes armées. Et tu monteras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Ce sera à la fin des jours que je te ferai venir contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je me sanctifierai en toi à leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé au jour d'autrefois, par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé en ces jours-là, pendant des années, que je te ferai venir contre eux? Et il arrivera en ce jour-là, le jour où Gog entrera dans la terre d'Israël. Oracle du Seigneur l'Éternel. Mon courroux montera à mes narines, et dans ma jalousie, dans le feu de ma fureur, je l'ai dit, il y aura en ce jour-là un grand tremblement sur la terre d'Israël. Devant moi trembleront les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, tout reptile qui rampe sur la terre, et tout homme qui est sur la face de la terre. Les montagnes s'écrouleront, et les rochers tomberont, et toute muraille tombera sur le sol. Et j'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes, oracle du Seigneur l'Éternel. Et chacun tournera son épée contre son frère. J'exercerai mon jugement sur lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir des torrents de pluie et des pierres de grêle, du feu et du soufre, sur lui et sur ses bataillons, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je me montrerai grand et saint, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis le Seigneur. Chapitre 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je viens à toi, Gog, prince souverain de Mozok et de Tubal. Je t'emmènerai, je te conduirai et je te ferai monter des confins du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Là j'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et tous tes bataillons, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, aux oiseaux de toutes sortes, et aux animaux des champs, je t'ai donné en pâture. Tu tomberas sur la face des champs, car moi j'ai parlé, oracle du Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans le pays de Magog et chez ceux qui habitent en sécurité dans les îles, et ils sauront que je suis le Seigneur. Et je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne profanerai plus mon saint nom, et les nations sauront que je suis le Seigneur, saint en Israël. Ces choses viennent et elles s'accompliront. Oracle du Seigneur l'Éternel. C'est là le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et mettront en flamme les armes, l'écu, le bouclier, l'arc, les flèches, le bâton et le javelot. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils n'apporteront plus le bois de la campagne, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les dépouillaient, ils pilleront ceux qui les pillaient. Oracle du Seigneur l'Éternel. et il arrivera en ce jour-là. Je donnerai à Gog un lieu où sera son sépulcre en Israël, la vallée des passants, à l'orient de la mer. Et ce sépulcre fermera le chemin aux passants. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera ce lieu la vallée d'Amon-Gog. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays, 7 mois durant. Tout le peuple du pays enterrera, et ce sera pour eux un jour glorieux, celui où j'aurai fait éclater ma gloire. Oracle du Seigneur l'Éternel. Et ils désigneront des hommes dont la charge sera de parcourir le pays, enterrant les passants, ceux qui seront restés sur la face de la terre, pour la purifier. Après 7 mois, ils feront leur recherche. Et quand ces hommes parcourront le pays, si l'un d'eux voit des ossements humains, il dressera à côté un signal, jusqu'à ce que les enterreurs les aient mis en terre dans la vallée d'Amon-Gog. Et Hamona sera même le nom d'une ville, et c'est ainsi qu'ils purifieront le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux de toutes sortes, et à tous les animaux des champs. Assemblez-vous et venez. Réunissez-vous des alentours à mon sacrifice que je fais pour vous, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. C'est de la chair de héros que vous mangerez, c'est du sang de prince de la terre que vous boirez. Bélier, agneau et bouc, jeune taureau, bœuf gras de Bazan, tous ensemble. Vous mangerez de la graisse à satiété, vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse, à mon sacrifice que j'ai fait pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de coursiers et de cavaliers, de héros et de guerriers de toutes sortes. Oracle du Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront mon jugement que j'exécuterai, et ma main que j'étendrai sur eux. Et la maison d'Israël saura que je suis le Seigneur, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de son iniquité que la maison d'Israël a été menée en exil, parce qu'ils m'ont été infidèles. Aussi je leur ai caché ma face, je les ai livrés aux mains de leurs ennemis, afin qu'ils tombassent tous par l'épée. C'est en raison de leur souillure et de leur prévarication que je les ai traités ainsi et que je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai compassion de toute la maison d'Israël et je me montrerai jaloux de mon nom. Ils porteront leur ignominie. Et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, quand ils habiteront sur leur terre en sécurité, sans que personne les inquiète. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, que je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, et que je me serai sanctifié en eux, aux yeux de beaucoup de nations, ils sauront que je suis le Seigneur, leur Dieu, en ce que je les aurai emmenés captifs chez les nations, et rassemblés ensuite sur leur propre sol. Et je ne laisserai plus aucun d'eux là-bas, et je ne leur cacherai plus ma face, parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 40. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, la 14e année après que la ville eut été ruinée, ce jour-là même, la main du Seigneur fut sur moi, et il m'emmena en ce lieu-là. Dans des visions divines, il m'emmena au pays d'Israël, et il me plaça sur une montagne très élevée. Et sur cette montagne, il y avait comme une construction de ville au midi. Quand il m'eut amené là, je vis un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Dans sa main était un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait dans le portique. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, et applique ton cœur à tout ce que je vais te faire voir, car c'est pour qu'on te le fasse voir que tu as été amené ici. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. » Et voici qu'un mur extérieur entourait la maison de tous côtés, et l'homme avait à la main un roseau à mesurer de 6 coudées, chaque coudée étant d'une coudée et un palme. Il mesura la largeur de cette construction. Elle était d'un roseau, et la hauteur, elle était d'un roseau. Puis il alla au portique dont la façade était dans la direction de l'Orient, et il en monta les degrés. Et il mesura le seuil du portique, qui était d'un roseau en largeur, savoir le premier seuil, d'un roseau en largeur. Chaque loge avait un roseau en longueur et un roseau en largeur. Entre les loges, il y avait 5 coudées. Le seuil du portique, du côté du vestibule du portique, du côté de la maison, était d'un roseau. Il mesura le vestibule du portique, du côté de la maison. Il était d'un roseau. Il mesura encore le vestibule du portique. Il avait 8 coudées, et ses piliers 2 coudées. Le vestibule du portique était du côté de la maison. Les loges du portique oriental étaient au nombre de 3 d'un côté, et de 3 de l'autre côté. Toutes les 3 avaient la même mesure. Et les piliers de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture du portique. Elle était de 10 coudées, et la longueur du portique de 13 coudées. Il y avait devant les loges une clôture d'une coudée de chaque côté, et chaque loge avait 6 coudées d'un côté et 6 de l'autre. Et il mesura le portique du toit d'une loge jusqu'au toit de l'autre. 25 coudées en largeur, d'une porte jusqu'à l'autre porte. Il compta 60 coudées pour les piliers, et à ces piliers touchait le parvis qui entourait le portique. L'espace entre le devant de la porte d'entrée et le devant du vestibule intérieur de la porte était de 50 coudées. Il y avait aux loges, à leurs piliers, des fenêtres grillées du côté intérieur du portique tout autour. Il en était de même au vestibule, et ainsi il y avait des fenêtres tout autour, donnant à l'intérieur, et aux pilastres il y avait des palmiers. Puis il me conduisit au parvis extérieur, et voici qu'il y avait des chambres et un pavé disposé tout autour du parvis. Il y avait 30 chambres le long du pavé. Le pavé longeait les portiques, correspondant à la longueur des portiques. C'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur du devant du portique inférieur jusqu'au devant du parvis intérieur. 100 coudées, à l'Orient et au Septentrion. Quant au portique du parvis extérieur, dont la façade est dans la direction du nord, il en mesura la longueur et la largeur. Ses loges, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Ses piliers et son vestibule ayant la même mesure que ceux du premier portique. 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule et ses palmiers avaient la même mesure que ceux du portique dont la façade est dans la direction de l'Orient. On y montait par 7 degrés et son vestibule était en face des degrés. Il y avait un portique au parvis intérieur, en face du portique du Septentrion comme en face de celui de l'Orient. Il mesura d'un portique à l'autre, 100 coudées. Il me conduisit ensuite dans la direction du midi, et voici un portique dans la direction du midi. Il en mesura les pilastres et le vestibule, qui avaient les mêmes dimensions. Il avait tout autour, ainsi que son vestibule, des fenêtres pareilles aux autres fenêtres. 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. On y montait par 7 degrés, et son vestibule était en face des degrés. Il y avait des palmiers à ses pilastres, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Le parvis intérieur avait aussi un portique dans la direction du midi. Il mesura d'un portique à l'autre dans la direction du midi, 100 coudées. Il me conduisit dans le parvis intérieur par le portique du midi, et il mesura le portique qui était au midi, qui avait les mêmes dimensions. Ses loges, ses pilastres et son vestibule avaient les mêmes dimensions, et il avait, ainsi que son vestibule, des fenêtres tout autour. 50 coudées de longueur et 25 coudées de largeur. Il y avait des vestibules tout autour, de 25 coudées en longueur et de 5 coudées en largeur. Son vestibule était du côté du parvis extérieur. Il y avait des palmiers à ses pilastres et 8 degrés pour y monter. Puis il me conduisit, dans le parvis intérieur, vers la direction de l'Orient, et il mesura le portique qui avait les mêmes dimensions. Ses loges, ses pilastres et son vestibule avaient les mêmes dimensions. Et il avait, ainsi que son vestibule, des fenêtres tout autour. 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Son vestibule touchait au parvis extérieur. Il avait des palmiers à ses pilastres, d'un côté et de l'autre, et 8 degrés pour y monter. Puis il me conduisit vers le portique du septentrion, et il y mesura les mêmes dimensions. Il y avait à ses loges, à ses pilastres et à son vestibule, des fenêtres tout autour. 50 coudées de longueur et 25 coudées de largeur. Ses piliers touchaient au parvis extérieur. Il y avait des palmiers sur ses pilastres et 8 degrés pour y monter. Il y avait une chambre avec sa porte, près des pilastres des portiques. C'est là qu'on lavait les holocaustes. Dans le vestibule du portique, il y avait 2 tables d'un côté et 2 tables de l'autre, sur lesquelles on devait immoler les victimes destinées à l'holocauste, au sacrifice pour le péché et au sacrifice pour le délit. Au côté extérieur, au septentrion, pour celui qui montait à l'entrée du portique, il y avait 2 tables, et de l'autre côté, vers le vestibule du portique, 2 tables. Il se trouvait ainsi, sur les côtés de la porte, 4 tables d'une part et 4 tables de l'autre, en tout 8 tables sur lesquelles on devait immoler. Il y avait encore 4 tables servant aux holocaustes, en pierre de taille, longues 1 coudée et demie, larges 1 coudée et demie et hautes 1 coudée, sur lesquelles on posait les instruments avec lesquels on immolait les victimes destinées à l'holocauste et aux autres sacrifices. Des crochets d'une palme étaient fixés tout autour de l'édifice, et la chair des sacrifices devait être placée sur les tables. En dehors du portique intérieur, il y avait les chambres des chantres, dans le parvis intérieur. Celle qui était à côté du portique septentrional avait sa façade dans la direction du midi. L'autre à côté du portique oriental avait sa façade dans la direction du nord. Il me dit, « Cette chambre dont la façade est dans la direction du midi, et pour les prêtres qui sont chargés du service de la maison, et la chambre dont la façade est dans la direction du nord, et pour les prêtres chargés du service de l'autel. Ce sont les fils de Sadoc qui, parmi les enfants de Lévi, s'approchent du Seigneur pour le servir. » Puis il mesura le parvis, qui était carré, ayant 100 coudées de longueur et 100 coudées de largeur. L'autel était devant la maison. Il me conduisit ensuite vers le vestibule de la maison, et il mesura le pilier du vestibule, 5 coudées d'un côté et 5 coudées de l'autre, et la largeur du portique, 3 coudées d'un côté et 3 coudées de l'autre. La longueur du vestibule était de 20 coudées et la largeur de 11 coudées, aux degrés par lesquels on y montait. Et il y avait des colonnes près des piliers, l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Chapitre 41. Puis il me conduisit dans le temple, et il en mesura les piliers, 6 coudées de largeur d'un côté, et 6 coudées de largeur de l'autre côté, largeur de la tente. La largeur de la porte était de 10 coudées. Les parois latérales de la porte avaient 5 coudées d'un côté et 5 coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, 40 coudées, et la largeur, 20 coudées. Il entra ensuite à l'intérieur et il mesura les piliers de la porte, 2 coudées, et la porte elle-même, 6 coudées, et la largeur de la porte, 7 coudées. Il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées du côté du temple, et il me dit, « C'est le Saint des Saints. » Il mesura le mur de la maison, 6 coudées, et la largeur de l'édifice latéral, 4 coudées, tout autour de la maison. Quant aux cellules latérales, il y avait 3 cellules superposées, et cela 30 fois. Elles aboutissaient au mur construit pour ces cellules tout autour de la maison, en sorte qu'elles s'appuyaient sans être engagées dans le mur de la maison. L'espace s'élargissait pour la circulation à chaque étage de cellules, car l'édifice avait un couloir circulaire à chaque étage tout autour. C'est pourquoi cette partie de l'édifice s'élargissait à chaque étage. Et ainsi le couloir d'en bas était moins large que celui d'en haut, et le couloir du milieu en proportion des 2 autres. Je vis que la maison tout autour était sur une élévation. Le fondement des cellules latérales était d'un roseau plein, de 6 coudées vers l'angle. Le mur extérieur de l'édifice latéral était large de 5 coudées. À la suite venait l'assise de l'édifice latéral de la maison. De là jusqu'aux chambres, il y avait une largeur de 20 coudées tout autour de la maison. L'entrée de l'édifice latéral était sur l'assise. Une porte dans la direction du nord et une porte dans la direction du midi. La largeur de l'assise était de 5 coudées tout autour. Le bâtiment qui était en face de l'espace vide du côté de l'occident avait 70 coudées de large. La muraille du bâtiment avait 5 coudées de large tout autour, et sa longueur était de 90 coudées. Il mesura la maison. Largeur 100 coudées. L'espace vide, le bâtiment et ses murailles. Longueur 100 coudées. Et la largeur de la façade de la maison et de l'espace libre, vers l'orient. 100 coudées. Il mesura la longueur du bâtiment en face de l'espace libre qui est sur le derrière du bâtiment et ses galeries de chaque côté, 100 coudées. Dans le temple, dans l'intérieur et dans le vestibule du parvis, les seuils, les fenêtres grillées et les galeries tout autour, pour tous les 3, étaient recouverts, à la hauteur du seuil, de bois uni tout autour. Le sol jusqu'aux fenêtres, et les fenêtres étaient fermées, jusqu'au-dessus de la porte et jusqu'au fond de la maison, et au dehors sur chaque muraille tout alentour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était couvert de tentures, et de chérubins et de palmiers, 1 palmier entre 2 chérubins, et chaque chérubin ayant 2 visages, 1 visage d'homme tourné vers le palmier d'un côté, et 1 visage de lion tourné vers le palmier de l'autre côté. On en avait représenté sur la maison tout entière. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, on avait représenté des chérubins et des palmiers sur la muraille du temple. Le temple avait des poteaux quadrangulaires, et devant le Saint des Saints, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un autel en bois. Sa hauteur était de 3 coudées, et sa longueur de 2 coudées. Il avait ses angles, et sur toute sa longueur, ses parois étaient de bois. Et il me dit, « C'est ici la table qui est devant le Seigneur. » Le temple et le Saint des Saints avaient chacun une porte, et chaque porte avait 2 battants. 2 battants qui se repliaient en feuillets, 2 feuillets pour 1 battant, 2 feuillets pour l'autre battant. Sur les portes du temple étaient représentés des chérubins et des palmiers, comme ceux qui étaient représentés sur les parois. Et il y avait un auvent en bois sur la façade du vestibule à l'extérieur. Il y avait des fenêtres grillées et des palmiers de chaque côté aux parois latérales du vestibule et aux cellules latérales de la maison, et des auvents. Chapitre 42. L'homme me fit sortir vers le parvis extérieur, dans la direction du septentrion, et il me conduisit vers l'appartement qui était en face de l'espace vide et en face du mur, vers le septentrion. Il avait une longueur de 100 coudées, porte du nord, et une largeur de 50 coudées, en face des 20 coudées du parvis intérieur et en face du pavé du parvis extérieur, galerie contre galerie à 3 étages. Devant les chambres, il y avait une allée large de 10 coudées, et, pour aller à l'intérieur, un chemin d'une coudée, et leurs portes donnaient du côté du septentrion. Les chambres supérieures étaient plus étroites, car les galeries empiétaient sur elles, plus étroites que les chambres inférieures et les chambres intermédiaires de l'édifice, car elles étaient à 3 étages, et elles n'avaient pas de colonnes comme les colonnes des parvis. C'est pourquoi les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et celles du milieu. Le mur extérieur parallèle aux chambres, du côté du parvis extérieur, était, pour la portion en face des chambres, long de 50 coudées, car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de 50 coudées. Et voici que du côté du temple, il y avait 100 coudées. Plus bas que ces chambres, il y avait une entrée tournée vers l'orient pour celui qui arrivait du parvis extérieur. Sur la largeur du mur du parvis, du côté de l'orient, en face de l'espace vide et en face du mur, il y avait aussi des chambres, et devant elles un chemin, comme ce qui paraissait aux chambres du côté du septentrion. Leur longueur et leur largeur étaient les mêmes, ainsi que toutes leurs sorties et leurs arrangements. Comme les portes de celles-là étaient aussi les portes des chambres qui étaient du côté du midi. Il y avait également une porte à l'entrée du chemin, le long du mur correspondant, à l'ouest pour celui qui entrait. Il me dit, « Les chambres du septentrion et les chambres du midi qui sont en face de l'espace vide, ce sont les chambres du sanctuaire, où les prêtres qui s'approchent du Seigneur mangent les choses très saintes. Là, ils déposent les choses très saintes, les oblations et les victimes pour le péché et pour le délit, car le lieu est saint. Une fois entrés, les prêtres ne sortiront pas du lieu saint pour aller au parvis extérieur sans avoir déposé là leurs vêtements avec lesquels ils ont fait le service, car ces vêtements sont saints. Ils se revêtiront d'autres habits, et c'est alors qu'ils s'approcheront de ce qui concerne le peuple. » Quand il eut achevé de mesurer l'intérieur de la maison, il me fit sortir vers le portique dont la façade est dans la direction de l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec le roseau à mesurer, 500 roseaux avec le roseau à mesurer tout autour. Il mesura le côté du septentrion, 500 roseaux avec le roseau à mesurer tout autour. Il mesura le côté du midi, 500 roseaux avec le roseau à mesurer. Il se tourna du côté de l'occident et mesura 500 roseaux avec le roseau à mesurer. Des 4 côtés, il mesura l'enceinte. Il y avait au temple une muraille tout autour. La longueur était de 500 et la largeur de 500, pour séparer le sacré du profane. Chapitre 43. Il me conduisit ensuite à la porte qui était tournée vers l'Orient. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël venait de la direction de l'Orient. Sa voix était comme la voix des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. L'aspect de l'image que je vis était comme l'image que j'avais vue lorsque je vins pour détruire la ville, et ce qu'on voyait était comme l'image que j'avais vue près du fleuve Chobar. Et je tombai sur ma face. Et la gloire du Seigneur entra dans la maison par le chemin de la porte dont la façade était dans la direction de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me fit entrer dans le parvis intérieur. Et voici que la maison était remplie par la gloire du Seigneur. Et j'entendis qu'on me parlait du dedans de la maison. Un homme se tenait debout à côté de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds, où j'habiterai au milieu des enfants d'Israël à jamais. La maison d'Israël, elle et ses rois, ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois et par leur haut lieu, en mettant leur seuil auprès de mon seuil et leur poteau auprès de mon poteau, de sorte qu'il n'y avait que le mur entre eux et moi, souillant ainsi mon saint nom par leurs abominations qu'ils commettaient. Et je les ai exterminés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et j'habiterai au milieu d'eux à jamais. Toi, fils de l'homme, fais connaître à la maison d'Israël cette maison, afin qu'ils soient confus de leurs péchés et qu'ils en mesurent le modèle. S'ils sont confus de tout ce qu'ils ont fait, apprends-leur la forme de la maison, son ordonnance, ses issues et ses entrées, ses formes, tous ses règlements, toutes ses formes et toutes ses lois. Mets tout cela sous leurs yeux par écrit, et qu'ils gardent toutes ses formes et tous ses règlements et les mettent en pratique. Telle est la loi de la maison. Au sommet de la montagne, son territoire tout alentour est saint des saints. Telle est la loi de la maison. Voici les mesures de l'autel en coudée, la coudée étant d'une coudée et d'un palme. Le chéneau a une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et le rebord qui est sur son pourtour a un empan. Tel est le socle de l'autel. Du chéneau qui est sur le sol, au cadre inférieur, il y a deux coudées, et la largeur est d'une coudée. Du petit cadre au grand cadre, il y a quatre coudées, et la largeur est d'une coudée. Le harel a quatre coudées, et de l'ariel en haut s'élèvent les quatre cornes. L'ariel a 12 coudées de longueur sur 12 coudées de largeur. Il forme un carré parfait. Le cadre a, de ses quatre côtés, 14 coudées de long sur 14 coudées de large. Et le rebord qui l'entoure a une demi-coudée. Il a tout autour un chéneau d'une coudée. Ses degrés sont tournés vers l'Orient. Et il me dit, « Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois de l'autel le jour où il sera construit, afin d'y offrir l'holocauste et d'y faire l'aspersion du sang. Tu donneras aux prêtres lévites qui sont de la postérité de Sadoc et qui s'approchent de moi, oracle du Seigneur l'Éternel, pour me servir, un jeune taureau en sacrifice pour le péché. Tu prendras de son sang et tu le mettras sur les quatre cornes de l'autel et sur les quatre angles du cadre et sur le rebord tout autour. Et tu feras l'expiation de l'autel et sa propitiation. Tu prendras le taureau qui aura été offert pour le péché et on le brûlera dans le lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras pour le péché un jeune bouc sans défaut, et on fera l'expiation de l'autel comme on l'a faite pour le taureau. Quand tu auras achevé de faire l'expiation, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les présenteras devant le Seigneur. Les prêtres jetteront sur eux du sel et les offriront en holocauste au Seigneur. Pendant 7 jours, tu offriras en sacrifice un bouc pour le péché, chaque jour. On offrira aussi un taureau et un bélier du troupeau sans défaut. Pendant 7 jours, on fera la propitiation de l'autel. On le purifiera et on le consacrera. Les 7 jours achevés, le 8e jour et dorénavant, les prêtres offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices pacifiques, et je vous serai favorable. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 44. Puis il me fit revenir dans la direction du portique extérieur du sanctuaire qui regardait l'Orient. Il était fermé. Et le Seigneur me dit, « Ce portique sera fermé, il ne s'ouvrira point, et personne n'entrera par là, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, est entré par là, et il sera fermé. Quant au prince, comme étant le prince, il s'y assoira pour manger les mets devant le Seigneur. Il entrera par le chemin du vestibule du portique et sortira par le même chemin. » Il me conduisit ensuite dans la direction du portique septentrional, devant la maison. Et je vis. Et voici que la gloire du Seigneur remplissait la maison. Et je tombai sur ma face. Et le Seigneur me dit, « Fils de l'homme, applique ton cœur. Regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles tout ce que je vais te dire au sujet de toutes les ordonnances de la maison du Seigneur, et de toutes ses lois. Applique ton cœur à ce qui doit entrer dans la maison, par toutes les issues du sanctuaire. Dis aux rebelles, à la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Assez d'avoir introduit des fils d'étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour qu'ils fussent dans mon sanctuaire, afin de profaner ma maison, quand vous offriez les mets qui m'appartenaient, la graisse et le sang. Et ainsi ils ont rompu mon alliance par toutes vos abominations. Vous ne vous êtes pas acquitté du service de mes choses saintes, et vous avez établi ces étrangers pour faire mon service, dans mon sanctuaire, à votre profit. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun fils d'étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire. Non, aucun des fils d'étrangers qui sont au milieu des enfants d'Israël. Bien plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi au temps de l'égarement d'Israël, qui s'est égaré loin de moi pour suivre ses idoles infâmes, porteront leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire des serviteurs préposés aux portes de la maison et faisant le service de la maison. Ce sont eux qui égorgeront pour le peuple les victimes destinées à l'Holocauste et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant le peuple pour le servir. Parce qu'ils l'ont servi devant ces idoles infâmes et qu'ils ont fait tomber la maison d'Israël dans l'iniquité, à cause de cela, j'ai levé ma main sur eux, oracle du Seigneur l'Éternel, jurant qu'ils porteraient leur iniquité. Ils n'approcheront pas de moi pour remplir devant moi les fonctions du sacerdoce, pour s'approcher de toutes mes choses saintes dans les lieux très saints. Ils porteront leur opprobre et la peine des abominations qu'ils ont commises. Je les chargerai de faire le service de la maison pour tout son ouvrage et pour tout ce qui s'y doit faire. Mais les prêtres lévites, fils de Sadoc, qui ont gardé les observances de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ce sont eux qui s'approcheront de moi pour faire mon service et qui se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang. Oracle du Seigneur l'Éternel. Ce sont eux qui entreront dans mon sanctuaire, eux qui s'approcheront de ma table pour faire mon service, et ils garderont mes observances. Lorsqu'ils franchiront les portiques du parvis intérieur, ils se vêtiront d'habits de lin. Il n'y aura point de laine sur eux. Quand ils feront le service dans les portiques du parvis intérieur et au-dedans, ils auront des mitres de lin sur la tête et ils auront des caleçons de lin sur les reins, et ils ne se ceindront point de ce qui exciterait la sueur. Mais lorsqu'ils sortiront au parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront leurs vêtements avec lesquels ils ont fait le service. Ils les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Et ils revêtiront d'autres vêtements et ne sanctifieront pas le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. Ils se tondront la tête. Aucun prêtre ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais seulement des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront prendre une veuve qui sera la veuve d'un prêtre. Ils instruiront mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui apprendront à distinguer entre ce qui est souillé et ce qui est pur. Dans les contestations, ce sont eux qui prendront place pour le jugement, et ils jugeront d'après le droit que j'ai établi. Ils observeront mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. Aucun d'eux n'ira auprès du cadavre d'un homme pour se souiller. Ils ne pourront se souiller que pour un père ou une mère, pour un fils ou une fille, pour un frère ou une sœur qui n'a point de mari. Après sa purification, on lui comptera 7 jours, et le jour où il entrera dans le lieu saint, au parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice pour le péché. Oracle du Seigneur l'Éternel. Voici l'héritage qu'ils auront. Je serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. C'est moi qui suis leur possession. Ils se nourriront de l'oblation, du sacrifice pour le péché et du sacrifice pour le délit. Et tout ce qui aura été dévoué par anathème en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les premiers produits de toutes sortes et toutes les offrandes de toutes sortes de tout ce que vous offrirez seront pour les prêtres. Vous donnerez aussi aux prêtres les prémices de vos moutures, afin que la bénédiction repose sur ta maison. Tout animal mort ou déchiré, soit oiseau, soit autre bête, les prêtres ne le mangeront pas. Chapitre 45. Quand vous partagerez au sort le pays pour le posséder, vous prélèverez comme offrande au Seigneur une portion sainte du pays. Sa longueur sera de 25 000 coudées et sa largeur de 10 000. Elle sera sainte dans toute son étendue, tout autour. Il y en aura pour le sanctuaire, 500 sur 500, en carré, tout autour, et 50 coudées pour sa banlieue, tout autour. Sur cet espace mesuré, tu mesureras une longueur de 25 000 et une largeur de 10 000. C'est là que sera le sanctuaire, le saint des saints. Ce sera une portion sainte du pays. Elle sera pour les prêtres qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent pour servir le Seigneur. Ce sera pour eux une place pour leur maison et un lieu saint pour le sanctuaire. 25 000 coudées en longueur et 10 000 en largeur seront pour les Lévites, qui font le service de la maison. Ils y posséderont des villes pour y habiter. Comme possession de la ville, vous mettrez 5 000 coudées de largeur et une longueur de 25 000 parallèlement à la portion sainte prélevée. Cela appartiendra à la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace des deux côtés de la portion sainte prélevée et de la possession de la ville. Le long de la portion sainte et le long de la possession de la ville, du côté de l'Occident vers l'Occident et du côté de l'Orient vers l'Orient, sur une longueur correspondante à l'une des parts, de la frontière occidentale à la frontière orientale. Ce sera son domaine, sa possession en Israël, et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, et ils laisseront le pays à la maison d'Israël selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'en est assez, prince d'Israël. Écartez la violence et la rapine. Faites droit et justice. Ôtez vos exactions de dessus mon peuple. Oracle du Seigneur l'Éternel. Ayez des balances justes, un épha juste et un bat juste. L'épha et le bat auront une même contenance, de sorte que l'épha contienne la dixième partie du homer, et le bat le dixième du homer. Leur contenance sera d'après le homer. Le sicle vaudra 20 guéras. La mine aura chez vous 20 sicles, 25 sicles, 15 sicles. Voici l'offrande que vous prélèverez. Le sixième d'un épha sur le homer de froment et le sixième d'un épha sur le homer d'orge. Règle pour l'huile, pour le bat d'huile. La dixième partie d'un bat sur un corps, lequel est égal à un homer de 10 bats, car un homer fait 10 bats. Une brebis du troupeau sera donnée sur 200 des gras pâturages d'Israël pour l'oblation, l'holocauste et les sacrifices pacifiques, afin de faire propitiation pour eux. Oracle du Seigneur l'Éternel. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Mais le prince sera chargé des holocaustes, des oblations et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes et au sabbat, dans toutes les solennités de la maison d'Israël. C'est lui qui pourvoira au sacrifice pour le péché, à l'oblation, à l'holocauste et au sacrifice d'action de grâce, afin de faire propitiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le prêtre prendra du sang de la victime pour le péché, et en mettra sur le poteau de la maison, sur les quatre coins du cadre de l'autel, et sur le poteau du portique du parvis intérieur. Tu feras de même le 7 du mois pour celui qui pêche par erreur ou par simplicité, et vous ferez propitiation pour la maison. Le premier mois, le 14e jour du mois, vous aurez la Pâque, fête d'une semaine de jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice pour le péché. Et pendant les 7 jours de la fête, il offrira un holocauste au Seigneur. 7 taureaux et 7 béliers sans défaut, chacun des 7 jours, et un bouc en sacrifice pour le péché chaque jour. Il fera aussi l'oblation, un épha de farine par taureau et un épha par bélier, avec un hin d'huile par épha. Le 7e mois, le 15e jour du mois, pendant la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices pour le péché, les mêmes holocaustes, les mêmes oblations et la même quantité d'huile. Chapitre 46. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le portique du parvis intérieur, qui regarde l'Orient, restera fermé les 6 jours ouvriers, mais il sera ouvert le jour du sabbat. Il sera aussi ouvert le jour de la nouvelle lune. Le prince arrivera du dehors vers le vestibule du portique et se tiendra à côté du poteau du portique. Les prêtres offriront son holocauste et ses sacrifices pacifiques. Il se prosternera sur le seuil du portique et se retirera. Et le portique ne sera pas fermé jusqu'au soir. Le peuple du pays se prosternera à l'entrée de ce portique, au sabbat et aux nouvelles lunes, devant le Seigneur. L'holocauste que le prince offrira au Seigneur sera, le jour du sabbat, de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Et, comme oblation, il offrira 1 épha de farine pour le bélier, et, comme oblation pour les agneaux, ce qu'il voudra donner, avec 1 hin d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, ce sera 1 jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et 1 bélier sans défaut. Et il donnera comme oblation 1 épha par bélier, et pour les agneaux, ce qu'il pourra donner, avec 1 hin d'huile par épha. Lorsque le prince entrera, il entrera par le vestibule du portique et sortira par le même chemin. Lorsque le peuple du pays entrera devant le Seigneur dans les solennités, celui qui entrera par le portique du septentrion pour se prosterner sortira par le portique du midi, et celui qui entrera par le portique du midi sortira par le portique du septentrion. On ne retournera pas par le portique par lequel on sera entré, mais on sortira par celui qui est en face de lui. Le prince aussi entrera parmi eux quand ils entreront, et sortira comme ils sortiront. Aux fêtes et aux solennités, l'oblation sera 1 épha pour le taureau et 1 épha pour le bélier, et, pour les agneaux, ce que le prince voudra donner, avec 1 hin d'huile par épha. Quand le prince offrira une offrande volontaire, holocauste ou sacrifice pacifique, offrande volontaire au Seigneur, on lui ouvrira le portique qui regarde l'Orient. Il offrira son holocauste ou ses sacrifices pacifiques, comme il le fait le jour du sabbat, et il sortira. Et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras 1 agneau d'un an sans défaut comme holocauste quotidien au Seigneur. Tu l'offriras chaque matin. Tu offriras avec lui chaque matin une oblation, savoir 1/6 d'épha et le tiers d'un hin d'huile pour arroser la fleur de farine comme oblation au Seigneur. Ce sont des lois permanentes pour toujours. On offrira chaque matin l'agneau, l'oblation avec l'huile. C'est l'holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait un don à quelqu'un de ses fils, ce don sera l'héritage de ses fils. Ils le posséderont comme un héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don appartiendra au serviteur jusqu'à l'année de la libération. Puis il retournera au prince. C'est à ses fils seulement que restera son héritage. Le prince ne prendra l'héritage de personne en l'expulsant violemment de sa propriété. C'est de sa propriété qu'il donnera un héritage à ses fils, afin que mon peuple ne soit pas chassé, chacun de sa possession. Il me conduisit, par l'entrée qui est sur le côté du portique, dans les chambres saintes destinées aux prêtres, celles qui regardent le septentrion. Et voici qu'il y avait là une place dans le fond, du côté de l'Occident. Il me dit, « C'est l'endroit où les prêtres feront bouillir les victimes offertes pour le délit et pour le péché, et feront cuire l'oblation, afin de ne pas les transporter dans le parvis extérieur pour sanctifier le peuple. » Puis il me fit sortir dans le parvis extérieur et me fit passer vers les 4 angles du parvis. Et voici qu'à chaque angle du parvis, il y avait une cour. Aux 4 angles du parvis, il y avait des cours fermées. longue de 40 coudées et large de 30. Une même dimension pour ses 4 cours aux angles. Une enceinte les entourait toutes les 4, et des foyers à cuir étaient établis au bas de ces enceintes, tout autour. Il me dit, « Ce sont ici les cuisines où les serviteurs de la maison feront bouillir la chair des sacrifices du peuple. » Chapitre 47. Il me ramena ensuite à l'entrée de la maison, et voici que des eaux sortaient de dessous le seuil de la maison, du côté de l'Orient, car la face de la maison regardait l'Orient. Et les eaux descendaient de dessous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me fit sortir par le portique du septentrion et me fit faire le tour à l'extérieur, jusqu'au portique extérieur qui regardait l'Orient. Et voici que les eaux coulaient du côté droit. Quand l'homme fut sorti vers l'Orient, avec le cordeau qu'il avait à la main, il mesura 1000 coudées et me fit passer par cette eau, de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit passer dans l'eau, de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit passer, de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car les eaux avaient grossi. C'était des eaux à passer à la nage, un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « Fils de l'homme, as-tu vu ?» Puis il me fit revenir au bord du torrent. En me retournant, voici que j'aperçus sur le bord du torrent des arbres en très grand nombre, de chaque côté. Et il me dit, « Ces eaux s'en vont vers le district oriental. Elles descendront dans la plaine et entreront dans la mer. Elles seront dirigées vers la mer, et les eaux en deviendront saines. Tout être vivant qui se meut, partout où entrera le double torrent, vivra, et le poisson sera très abondant. Car dès que ces eaux y arriveront, les eaux de la mer deviendront saines, et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Au bord de cette mer se tiendront des pêcheurs. D'Engadi à Engalim, des filets seront étendus. Il y aura des poissons de toute espèce, comme ceux de la grande mer, très nombreux. Mais ces lagunes et ces mares ne seront pas assainies. Elles seront abandonnées au sel. Près du torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira point et dont les fruits ne cesseront point. Chaque mois, ils produiront des fruits nouveaux, parce que ces eaux sortent du sanctuaire. Leur fruit sera bon à manger et leurs feuilles bonnes pour guérir. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Une vallée sera la frontière du pays dont vous entrerez en possession, selon les 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous aurez chacun, l'un comme l'autre, une part de ce pays que j'ai promis, la main levée, de donner à vos pères. Et ce pays vous échoira en possession. Voici la frontière du pays. Du côté du nord, depuis la grande mer, le chemin de Hétalon pour aller à Sédad. Le pays de Hamath, Bérota et Sabarim entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath. Hatser Tishon, qui est sur la frontière du Horan. Voici donc la frontière depuis la mer. Hatser Enon, la frontière de Damas, et, en allant au nord, la frontière de Hamath. C'est là le côté du nord, et du côté de l'Orient. À partir de la limite qui sépare le Horan et Damas, la frontière passe entre Galaad et le pays d'Israël. C'est le Jourdain. Vous mesurerez à partir de la frontière du nord jusqu'à la mer orientale. C'est le côté de l'Orient. Le côté du midi se dirigera d'abord vers le sud, depuis Tamar, jusqu'aux eaux de Mériba de Kadès, Puis ce sera le torrent qui se jette dans la grande mer. C'est le côté du sud vers le Négueb. Le côté de l'occident sera la grande mer, de cette frontière jusque vis-à-vis de l'entrée de Hamath. C'est le côté de l'occident. Vous vous partagerez ce pays selon les tribus d'Israël. Vous tirerez le pays au sort pour le posséder entre vous et les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui ont engendré des enfants parmi vous. Ils seront pour vous comme des indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils tireront au sort leur lot avec vous, au milieu des tribus d'Israël. Dans la tribu où l'étranger est établi, là vous lui donnerez sa part d'héritage. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chapitre 48. Voici les noms des tribus. À partir de l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Hétalon pour aller à Hamath, Hatser-Enon, la frontière de Damas vers le nord, le long de Hamath, il y aura pour chaque tribu, de la limite orientale à la limite occidentale, Dan, une part. À la frontière de Dan, de la limite orientale à la limite occidentale, Azer, une part. À la frontière d'Azer, de la limite orientale à la limite occidentale, Nephtali, une part. À la frontière de Nephtali, de la limite orientale à la limite occidentale, Manassé, une part. À la frontière de Manassé, de la limite orientale à la limite occidentale, Éphraïm, une part. À la frontière d'Éphraïm, de la limite orientale à la limite occidentale, Ruben, une part. Et à la frontière de Ruben, de la limite orientale à la limite occidentale, Juda, une part. À la frontière de Juda, de la limite orientale à la limite occidentale, sera la portion que vous prélèverez, large de 25 000 coudées et longue comme une des parts, de la limite orientale jusqu'à la limite occidentale. Au milieu d'elle sera le sanctuaire. La portion que vous prélèverez pour le Seigneur aura 25 000 coudées de longueur et 10 000 de largeur. Cette sainte portion prélevée appartiendra au prêtre, savoir au septentrion 25 000 coudées, à l'occident 10 000 coudées en largeur, à l'orient 10 000 coudées en largeur, et au midi 25 000 coudées en longueur. Le sanctuaire du Seigneur sera au milieu d'elle. Elle appartiendra au prêtre consacré, fils de Sadoc, qui se sont acquittés de mon service, qui ne se sont pas égarés lorsque s'égarèrent les enfants d'Israël, comme se sont égarés les Lévites. Ce sera leur part prélevée sur la portion prélevée du pays, part très sainte, à la frontière des Lévites. Les Lévites auront, le long du territoire des prêtres, 25 000 coudées en longueur et 10 000 en largeur. Chaque longueur sera de 25 000 coudées et chaque largeur de 10 000. Ils n'en pourront rien vendre ni rien échanger, et les prémices du pays n'en seront point aliénées, car elles sont saintes pour le Seigneur. Les 5 000 qui resteront en largeur sur les 25 000 seront un terrain profane pour la ville, tant pour les habitations que pour la banlieue. La ville sera au milieu. En voici les dimensions. Côté du nord, 4 500 coudées. Côté du midi, 4 500. Côté de l'orient, 4 500. Côté de l'occident, 4 500. La ville aura une banlieue de 250 coudées au nord, 250 au midi, 250 à l'orient, et 250 à l'occident. Il restera en longueur, le long de la portion sainte, 10 000 coudées à l'orient et 10 000 à l'occident, le long de la portion sainte. Les produits en seront pour la nourriture de ceux qui desservent la ville. Les desservants de la ville, pris dans toutes les tribus d'Israël, cultiveront ce terrain. Ainsi, toute la portion prélevée étant de 25 000 coudées sur 25 000, vous aurez prélevé pour le domaine de la ville une portion égale au quart de la portion sainte. Le reste sera pour le prince. De chaque côté de la portion sainte et du domaine de la ville, à partir des 25 000 coudées de la portion prélevée, jusqu'à la frontière de l'Orient, et, à l'Occident, à partir des 25 000 coudées jusqu'à la frontière de l'Occident, parallèlement au part, ce sera pour le prince. La portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi, à partir du domaine des Lévites et du domaine de la ville, qui se trouvent au milieu de la portion du prince, tout ce qui est entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin sera au prince. Part du reste des tribus. De la limite orientale à la limite occidentale, Benjamin, une part. À la frontière de Benjamin, de la limite orientale à la limite occidentale, Siméon, une part. À la frontière de Siméon, de la limite orientale à la limite occidentale, Issachar, une part. À la frontière d'Issachar, de la limite orientale à la limite occidentale, Zabulon, une part. À la frontière de Zabulon, de la limite orientale à la limite occidentale, Gad, une part. À la frontière de Gad, du côté du Négueb, vers le sud, la frontière ira de Tamar aux eaux de Meriba à Kadès, et au torrent qui va à la grande mer. Tel est le pays que vous tirerez au sort pour le posséder, selon les tribus d'Israël, et telles sont leurs parts. Oracle du Seigneur l'Éternel. Voici les sorties de la ville. Du côté du nord, 4 500 coudées de mesure. Les portes de la ville prendront les noms des tribus d'Israël. Et 3 portes au nord. La porte de Ruben, une. La porte de Juda, une. La porte de Lévi, une. Du côté de l'Orient, 4 500 coudées et 3 portes. La porte de Joseph, une. La porte de Benjamin, une. La porte de Dan, une. Du côté du Midi, 4 500 coudées de mesure et 3 portes. La porte de Siméon, une. La porte d'Issachar, une. La porte de Zabulon, une. Du côté de l'Occident, 4 500 coudées et 3 portes. La porte de Gad, une. La porte d'Azer, une. La porte de Nephtali, une. 18 000 coudées de tours. Et le nom de la ville sera désormais « Le Seigneur est là ».